Mais avant toute chose, nous allons revenir quand même sur certains éléments liés à l'imagination, la vérité, qui était le sujet principal de la semaine dernière. Et vous verrez que la séance de la semaine dernière, donc sur vérité et imagination, celle d'aujourd'hui sur la responsabilité et protection des sources, et celle de la semaine prochaine, on va plutôt aller vers le rôle social des journalistes, qui sont vraiment très, très liés. Puisqu'on va parler de journalisme d'immersion, de journalisme masqué, journalisme submergé, même. Donc, ces trois thèmes se suivent. Et donc, je reviens, comme je viens de dire, un petit peu sur les fictions du réel et sur l'écriture de vérité qui a été brièvement abordée la semaine dernière. Imagination et vérité, quelles sont les limites qu'un journaliste peut se donner? Alors, si vous vous souvenez de l'entretien qu'on a eu avec nos deux invités, donc Dominique Lamant et François Brabant, une question qui avait été posée aux orateurs, c'était quelles sont les limites que vous vous mettez au niveau de cette imagination? Quelles sont les limites et quelles sont les libertés aussi que vous pouvez prendre pour rédiger un texte qui est au format long et qui se veut plus créatif qu'un journalisme plus traditionnel? D'accord? Donc, quelles sont les libertés, quelles sont les limites et donc quelles sont les contraintes déontologiques ou éthiques que l'on a quand on veut finalement réaliser une production qui est aussi esthétique, qui veut procurer des émotions chez les lecteurs. Alors, je pars avec un article. Madame Le Cam et moi-même, nous allons vous constituer une petite bibliographie, une petite boîte à outils sur le musée. Vous pourrez trouver des textes qui sont souvent mentionnés en bas de page. Et donc, un des textes particulièrement intéressants sur ce rapport au réel et à la vérité, c'est le texte de Nicolas Pélissier et de Alexandre Herriès, « Fiction du réel, le journalisme narratif », où ils tentent de produire certaines définitions. Alors, quels que soient les auteurs que l'on consulte, ils sont toujours fortement inspirés par des auteurs américains, puisqu'il y a vraiment un courant aujourd'hui de retour vers le réel qui nous vient des États-Unis, même si, et nous le verrons avec des exemples très concrets de journalistes en France, le journalisme de l'immersion a quand même toujours existé aussi en France. Simplement, on ne met pas toujours les mêmes noms sur des réalités qui se ressemblent. Vous avez là une définition qui vous situe assez bien ce qu'essaient de faire ces journalistes au long cours. C'est une pratique d'écriture journalistique qui utilise consciemment et à dessein les ressources de la fiction pour analyser et interpréter les faits et les retransmettre dans un second temps à un public. Alors, que sont ces ressources de la fiction? Si vous vous souvenez, François Brabant, à un moment donné, quand il a parlé de son livre, donc l'histoire du PS Liégeois, il a dit « Ah, mais moi j'ai fait un roman. En fait, je pense que j'ai fait un roman. » Ce qui nous a un petit peu interpellés, parce que pour nous, un roman, c'est tout à fait une œuvre de fiction, une œuvre de création. Et pourtant, il parlait de roman. Donc, ce qu'il avait en tête, c'était plutôt une œuvre romanesque. Ça se lit comme un roman, ça se lit comme un bouquin, même une histoire criminelle, hein, avec un suspense. Pour ceux qui avaient lu le début de ce livre, puisqu'on s'était un petit peu partagé le travail, donc il y avait vraiment une tension narrative, il y avait une approche même cinématographique, parce qu'il y avait des plans séquences sur chacun des personnages. Il avait même dit cette histoire du PS Liégeois et la mort d'André Pauls, il y a une dramaturgie telle dans la réalité que c'est, en fait, je ne vais pas y inventer grand-chose. Il suffit finalement de transposer ce qui s'est véritablement passé. Donc, que sont ces ressources de la fiction? Ce sont plutôt des techniques. D'accord? Donc, puisqu'on parle de journalisme, on ne parle que de vérité, on ne parle que de faits réels, mais par contre, l'imagination, elle est au niveau de la technique d'écriture. Donc, c'est dans l'artisanat, dans la production du texte, dans l'art de trouver le mot juste, que l'on va retrouver l'élément d'imagination ou de créativité. Je me rapporte encore, je vous renvoie encore à ce texte de François Brabant. Il parle de ce ministre liégeois, qui est bien connu d'ailleurs en France aussi, parce qu'il était toujours bourré quand on voyait à la télé, Dardenne. Et à un moment, François Brabant parle de Dardenne en disant « de retour d'une soirée de bamboche ». Bon, bamboche, ça veut dire vraiment de fête, hein, mais c'est quand même un terme un peu particulier. On a parfois besoin de son dictionnaire pour lire certains textes. Donc on voit que le journaliste a pris le temps d'aller chercher des mots précis. Ou bien il parle d'Anvers dans un autre de ses textes sur la Belgique, et il parle de la cité scaldienne. Scaldienne, ça renvoie à Lescaut. Vous voyez qu'il y a vraiment un souci du texte, et surtout de respecter le lecteur qui va finalement se délecter à la lecture de ce, de ces faits réels. Donc, on parle de fiction du réel ici, parce qu'on traite vraiment de la réalité, de la vérité. Une autre définition vient de Alain Lallemand, et Alain Lallemand, c'est un journaliste au long cours, qui est également professeur à Louvain-la-Neuve. Il a sorti un bouquin dans la série que vous connaissez peut-être chez The Book. Il y a plusieurs professeurs ici, comme Jean-Jacques Jespers, par exemple, qui ont produit des numéros sur la déontologie notamment. Et il y en a un qui s'appelle Journalisme narratif en pratique, qui d'ailleurs est certainement en bibliothèque. Et je vous le conseille parce que c'est en fait un peu un guide, non seulement pour comprendre le journalisme narratif, mais également pour l'écrire. Donc dans ce cours-ci, notre objectif n'est pas de vous apprendre à devenir des grands reporters au long cours, c'est plutôt de vous ouvrir à un champ de connaissances, de vous procurer des références, mais c'est bien aussi d'avoir le point de vue du praticien qui vous offre en fait une boîte à outils. Comment est-ce qu'on construit son texte? Comment est-ce qu'on crée un arc narratif? Comment est-ce qu'on campe ses personnages? Comment est-ce qu'on les choisit? Et donc, vous voyez que sa définition rejoint tout à fait celle de Pélissier et Ries, le bon journaliste narratif, et donc celui qui est parvenu à piller la boîte à outils d'écrivain, à utiliser avec bonheur ses outils en les mettant au service exclusif de la visibilité du réel. Donc, vous voyez que on s'y retrouve ici dans la technique d'écriture comme étant le lieu où va se déployer l'imagination de l'auteur et là où on va pouvoir se lâcher par rapport à la création. Je vais évoquer aussi un parallèle avec le cinéma vérité parce que certains d'entre vous ont, je pense, suivi le cours de Rémy Brun sur le documentaire où elle a abordé ce terme de cinéma vérité et il y a énormément de rapprochements à faire avec le journalisme narratif parce que il est question de casser un peu la barrière entre le journaliste et son sujet, le sujet et le lecteur. Donc, dans le cinéma vérité, la caméra, elle se fait toute petite, presque absente, pour que justement il y ait un effacement des frontières entre journaliste source et source, le récit des sources, le récit des acteurs et des lecteurs qui vont alors pouvoir entrer en empathie avec eux. Alors le terme de cinéma vérité, ça vient en fait d'un mouvement en Russie dans les années 20 qui s'appelait Kino Pravda. Et le responsable, la personne qui se trouve derrière ce phénomène, s'appelle Vertov, et Kino Pravda, le cinéma vérité, faisait référence à une série d'actualités, en fait, des actualités filmées. Donc on filmait l'actualité en Russie. En France, le terme a été utilisé par Edgar Morin, toujours très vaillant aujourd'hui, qui a plus ou moins théorisé ce mouvement à partir d'un film qu'il a réalisé avec Jean Rouche. Et il le définit comme un processus dialectique entre le cinéaste et ses acteurs, d'accord, où les frontières de nouveau disparaissent, c'est-à-dire qu'on veut encourager le dialogue entre le sujet et l'objet dans ce type de cinéma. On efface les frontières, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et ça repose sur deux mouvements intéressants, le cinéma vérité. C'est d'abord la mise à distance, donc apprendre à se mettre à distance par rapport à soi-même pour avoir de l'empathie avec l'autre, donc mise à distance. Et dans un autre temps, la fraternité, c'est-à-dire créer de l'empathie pour pouvoir venir au secours de l'autre, l'aider et finalement construire une société fraternelle ensemble. Alors ce phénomène d'empathie, on va le retrouver vraiment dans le journalisme d'immersion, puisque vous allez voir que si on prend Obna, dont nous avons parlé il y a quelques semaines, c'est quelqu'un qui s'est fondu dans un milieu, par exemple, de travailleurs précaires, pour justement créer cette empathie auprès de ses lecteurs, qu'ils se rendent compte de cette réalité qu'est le travail précaire. D'accord ? Donc parallèle avec le cinéma vérité, donc pourquoi pas appeler ce journalisme narratif aussi une écriture vérité. C'est une proposition. Je vous ai ajouté quelques références plus américaines ici. Vous avez trois auteurs, Sims, Lounsbery, Kramer, qui chacun, quand ils donnent leur propre définition ou leurs propres paramètres pour définir l'écriture vérité ou le journalisme littéraire, proposent des concepts qui chaque fois se rejoignent. Donc par exemple, Norman Sims, qui était professeur au Massachusetts, parle d'immersion. L'immersion, elle est très favorable au journalisme narratif, parce qu'il faut passer du temps avec ses sources. Il faut partager leur vie, parfois pendant des semaines, pendant des années. On va voir des exemples où, notamment une journaliste, Adrienne Nicole Leblanc, elle a passé 10 ans avec une famille dans le Bronx pour pouvoir enfin produire son reportage, Les enfants du Bronx. La structure est importante. Donc on n'a plus une pyramide, vous vous souvenez de la pyramide inversée, où on doit avoir absolument tous les éléments, le who, le what, le where, au début. Non, la structure, vous devez la construire pour créer un suspense et compter un petit peu sur votre lecteur, son sens de l'anticipation, comment est-ce qu'il réagit. Donc il faut amener des éléments petit à petit dans le texte. Encore une fois, puisqu'on a lu François Brabant, il commence avec des plans séquences et tout d'un coup, paf, on a le meurtre d'André Coles. Et ça, c'est l'élément qui vraiment fait démarrer l'histoire. D'accord ? Donc c'est un peu le MacGuffin, c'est l'élément qui fait que l'histoire commence. Donc la structure doit être très travaillée. C'est pas un récit linéaire. Il peut y avoir des flashbacks, des flash-forward. Donc ce sont vraiment des techniques d'écriture créative. Avoir une voix. Alors avoir une voix ou se dire journaliste littéraire, c'est compliqué. En général, quand vous interviewez des journalistes narratifs, ils n'ont pas s'auto-proclamer littéraire, parce que c'est très prétentieux de dire qu'on a une belle plume. Mais par contre, dans l'histoire, il y a des écrivains comme Hemingway, qui ont vraiment une plume, on les reconnaît dès qu'on découvre leur texte, il y a un talent, il y a une concision. Hemingway est très connu pour faire des phrases très concises, avoir un style très épuré, tout est dit en quelques mots. Donc voilà, ça fait partie aussi des techniques. Alors le sens de la responsabilité par rapport à ces sources, parce que quand vous allez exposer la vie d'une famille avec laquelle vous avez vécu pendant 10 ans, vous allez faire des révélations, vous allez dire des choses sur leur parcours. Et il y a donc vraiment un contrat de confiance à faire passer avec sa source, en lui disant, voilà, tu vas être exposé, voilà les conséquences qui peuvent se produire pour toi. Et surtout, il n'y a pas, la source ne peut pas modifier ce texte. Hein. Donc il doit y avoir vraiment un contrat de confiance, et vous allez voir que cette confiance, parfois, elle est énorme, et il y a des phénomènes d'empathie, de compassion, qui vont jusque à l'adoption d'enfants pour certains journalistes qui adoptent. J'ai un cas précis à vous montrer, une journaliste qui a fini par adopter ou financer les études d'enfants qu'elle a rencontrés. L'empathie est totale. Symbolisme, donc utiliser des métaphores, utiliser des métonymes, utiliser des figures de style qui font qu'à partir d'un récit très factuel, du quotidien, d'une situation précise dans un village, n'importe quel lecteur va pouvoir tirer des leçons plus universelles. Donc on part du factuel, précis, individuel pour transmettre des vérités universelles ou des leçons de vie à ses lecteurs. Lansbury rejoint tout à fait Sims, elle ajoute quand même sujet documentaire, parce que le but du journalisme littéraire, du journalisme narratif, c'est bien sûr de documenter d'une manière assez sociologique, hein. On a même des données, hein, data journalism, on a toujours des données, on a des résultats d'entretien, donc ça documente une réalité, mais il y a une dimension supplémentaire qui est finalement une sorte de supplément d'âme. Parce que grâce à l'écriture, vous allez pouvoir créer des émotions, ce qu'on n'a pas dans des études sociologiques, si vous voulez. Recherche exhaustive, scénographie, esthétisme de l'écriture, on retrouve ces critères esthétiques, ces critères éthiques. Et celui qui a peut-être le plus théorisé ce journalisme narratif, c'est Mark Cramer, qui est toujours bien vivant, qui travaille à l'Institut Niemann, qui est hébergé aussi par l'Université d'Harvard. Il a énoncé toute une série de critères pour aider donc, les praticiens. Immersion, précision, événements du quotidien, voix intime, positionnement libre et mobile pour pouvoir changer de position, pour ne pas avoir un regard biaisé sur ses sources. Attention à la structure. Dans un récit, on peut amener des digressions. Les digressions, parfois, sont une opportunité d'apporter plein d'informations. Donc, on peut faire des digressions, embarquer son lecteur vers des récits parallèles, ce qui renforce encore la cohérence d'un texte, parfois. Construction en séquence, en anticipant les réactions du lecteur. Donc, c'est compliqué de commencer un récit, par exemple, quand vous savez déjà l'issue. Si on prend l'exemple de Sang-Froid, peut-être que certains d'entre vous ont lu le texte de Truman Capote, ou bien vous avez vu le film, on sait d'emblée qui a tué et qui est mort, d'accord ? Donc on part avec, on fait la solution de l'énigme. Donc C'est compliqué de construire un récit où vous allez avoir plein de suspense, alors que d'entrée de jeu, on connaît les victimes, on connaît les coupables. Alors, c'est plus pour votre information. Voilà les 8 règles, elles sont en anglais, autant les citer dans le texte. De Mark Cramer, si vous vous êtes donné un jour à ce journalisme narratif. Voilà, on reprend ici les 5 règles. Alors pourquoi est-ce qu'il a appelé ça Breakable Rules? Parce que vous pouvez évidemment vous les approprier, les modifier, les transformer. Et donc elles reprennent ce que je viens un petit peu de dire. Literary journalists immerse themselves in subject worlds and in background research. Très très important. Il y a toujours un énorme travail de documentation. Le problème du journalisme aujourd'hui, c'est que ça va trop vite. On fait des déclarations sans avoir pris le temps de vérifier. Il y a un travail immense en amont de collecte de données. Ceux qui ont vu le film Spotlight, voilà, c'est très bien mis en scène. La quantité de travail, la patience des journalistes qui très scrupuleusement vont collecter les données, vont tout vérifier. Ça, c'est très bien mis en valeur dans le film. Donc beaucoup de recherches, recouper ses sources. Alors, en fait, un peu comme la recherche académique, hein, vous ne faites pas votre mémoire bientôt, c'est également une collecte de données, accumulation d'éléments. Literary journalists work out implicit covenants about accuracy and candor. Accuracy, c'est la précision, grande honnêteté, tant avec les lecteurs qu'avec les sources. Donc ça, c'est le point 2. Le troisième point, literary journalists write mostly about routine events. Donc on ne cherche pas des événements spectaculaires en particulier. C'est souvent, les reportages que l'on lit, ce sont souvent les vies extraordinaires de gens très ordinaires. Si vous prenez encore une fois le cas de Hogna, on s'intéresse à la vie de gens ordinaires, mais qui finalement font des choses absolument incroyables dans leur quotidien. Donc la vie extraordinaire des gens ordinaires. Alors pourquoi est-ce qu'on se concentre surtout sur de tels événements et pas des gros scoops ou des grands scandales? C'est parce que c'est un journalisme qui se construit dans la durée. Et donc puisque vous vous détachez de cette urgence de l'actualité, eh bien vous avez besoin de temps. Et donc on peut revenir sur des choses ou des faits ou des éléments qui sont passés il y a quelques années, mais pour en tirer peut-être des leçons plus générales. D'accord? Donc un choix d'événements à commenter. Qui n'est pas généralement le lot du journalisme traditionnel, qui fonctionne avec l'actualité, qui a un rapport à la temporalité beaucoup plus proche, on est collé à l'urgence de l'actualité. Ce n'est plus le cas ici avec le journalisme en long cours. Le 4, donc Intimate Voice, on vient d'en parler aussi, le Style, Plain and Spare, donc ce sont des recommandations, encore une fois, ce ne sont pas des dictats. En point 6, disengage the mobile stance, turn the interest readers directly. Donc il faut pouvoir aussi se détacher de ses sources à un moment donné. Donc vous savez qu'il y a de l'empathie, il y a des liens qui se créent, mais il faut pouvoir aussi faire marche arrière. Et tout à l'heure, on verra des exemples, comme par exemple celui de Ted Cronopper, dont vous avez souvent parlé, qui est parti avec des Mexicains, qui traversaient la frontière pour éprouver ce que signifiait d'être clandestin. Aux États-Unis et les risques que ça comportait. Lui, quand il revient chez lui, il sait très bien qu'il peut avoir une attitude de game out. Lui, il peut à un moment donné dire stop, c'est fini, j'arrête cette expérience où je risque ma vie. Donc, il n'est jamais complètement comme l'autre, en fait, même s'il y a un effort de rapprochement. La structure, on en a parlé. Et enfin, voilà, imaginez les réactions de ses lecteurs. Donc voilà, vous avez au moins ce document qui reprend les 8 règles et le document complet, je vais aussi vous l'ajouter. Alors, parlons un peu de l'imagination au niveau de l'incarnation du journaliste lui-même. Selon Alain Allemand, il y a 3 incarnations du journaliste. D'abord, il y a le journaliste, l'auteur, celui qui s'appelle François Brabant, par exemple. C'est l'auteur lui-même. Ensuite, il y a la voix du journaliste. Donc c'est son style, la manière dont il va s'adresser à son lecteur dans son récit. Quand Florence Hogna commence par exemple son récit Le Quai de Ouistreham, elle explique au lecteur ce qu'elle est en train de faire. Donc il y a une sorte de contrat de lecture avec son public où elle explique très clairement J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache pour chercher un minimum de travail. L'idée est simple. Bien d'autres journalistes l'ont mise en œuvre avant moi, etc. Donc elle apparaît dans son texte. Et puis vous avez aussi le narrateur comme voix incarnée et qui devient à ce moment-là un personnage dans le récit. Voilà par rapport à l'incarnation du journaliste. Ensuite, parlons du narrateur lui-même. Alors pour ceux qui ont fait des études de lettres, peut-être que vous avez déjà entendu ces termes qui sont peut-être un peu savants, mais qui finalement traduisent une réalité assez simple. Vous pouvez avoir un narrateur homodiégétique, c'est-à-dire que votre narrateur, il est à la fois personnage et témoin dans le récit, ou bien un narrateur hétérodiégétique, c'est-à-dire qu'il est extérieur au récit, ou de temps en temps il peut faire peut-être une apparition. Là, je pourrais vous donner l'exemple de Truman Capote, justement, dans 200 froids. Donc, ne pas confondre le livre et le film qui a été fait sur lui, parce que dans 200 froids, Truman Capote n'apparaît pas. C'est le récit des personnages. Il y a juste tout à la fin, au moment de l'exécution finale, puisque les deux coupables ont été pendus en 59, il y a un petit caméo, qui est en fait un petit personnage, qui est un journaliste, qui apparaît dans l'histoire, et c'est en fait Truman Capote. Donc voilà, il y a parfois une petite apparition. Et puis vous avez des situations où le narrateur est autodiégétique, c'est-à-dire que c'est carrément un personnage et même le héros de l'histoire. Donc il y a des journalistes qui vont jusqu'à se mettre en scène et à prendre une posture de héros. Et deux exemples me viennent à l'esprit, c'est Hemingway pendant la guerre d'Espagne, où il visitait certains blessés, et vous avez des dialogues qui sont assez... étonnant pour un journaliste où vous avez le grand Hemingway qui rentre dans l'hôpital et bonjour Hemingway, comment allez-vous? Enfin voilà, il y a un dialogue où il y a une posture, un ethos énorme du journaliste qui devient le héros du récit et qui est admiré par les Espagnols qui se sont battus sur le pont. Vous avez aussi le cas très connu du gonzo-journalisme avec Hunter S. Thompson, on va avoir un slide un peu plus tard, c'est un journaliste qui prenait carrément des drogues pour être complètement speedé et provoquer l'action. Donc lui, non seulement il était en prise directe avec le réel, mais en plus c'est lui qui faisait en sorte que certains incidents se provoquent pour pouvoir en parler. Donc là, c'est vraiment le héros poussé à sa limite. Déjà évoqué auparavant, donc dans un journalisme narratif, on a des faits qui vont devenir des scènes, donc à partir de faits que l'on décrit simplement dans un texte de journalisme traditionnel, on va présenter une succession d'actions. Et bien, dans un journalisme de type long, narratif, voire littéraire, on va développer ces faits et en faire des scènes. Là aussi, dans Aubenas, c'est très clair. Dans l'affaire Dutroux, par exemple, on décrit ce qui se passe dans l'appartement, or elle n'était pas présente, donc elle a reconstitué des scènes à partir de faits ou d'éléments qu'elle a entendus pendant les audiences. Donc elle a collationné dans ses carnets de notes toutes sortes d'éléments, d'indices qui lui ont permis de recréer des scènes. Dans 200 froids, c'est très clair aussi, à un moment donné, vous avez des conversations téléphoniques entre des témoins et vous vous dites comment est-ce possible d'avoir pu retranscrire cette réalité avec autant de précision. Eh bien, de nouveau, il y a eu tout un travail d'enquête fait par l'écrivain. Capote a travaillé pendant 5 ans sur ce texte pour retrouver donc, des comptes rendus d'audience. Il a assisté à des parties de procès. Donc voilà, c'est vraiment un travail extrêmement précis pour pouvoir reconstituer des scènes très finement, puisqu'on est dans du journalisme. Les mots et les citations deviennent des dialogues. Et on va alors bientôt parler de l'implication du journaliste, jusqu'où peut-elle aller. S'agit-il simplement de journalisme engagé, impliqué, d'immersion, déguisé? Doit-on mentir à ses sources? Alors, quid du contrat de confiance par rapport à vos sources si vous mentez sur votre identité? Voilà, tout ça, on va le questionner un peu plus tard. Encore quelques éléments peut-être par rapport à la manière d'utiliser des outils créatifs pour construire un texte de journalisme narratif. On est toujours ici chez Alain Allemand. Donc on a parlé des différentes positions de narrateur. Alain Allemand estime également que la mise en récit, elle repose sur 4 composantes essentielles. C'est la composition de la voix. Donc la composition de la voix adoptée dans votre récit. Et donc, par là, il entend le choix du vocabulaire, le choix de la syntaxe, la longueur des phrases, les digressions, donc tous des éléments de composition littéraire pour créer une certaine atmosphère, pour donner un certain rendu par rapport à une situation. Donc, par atmosphère, on entend des couleurs, des sensations. Vous verrez souvent que dans les textes écrits par les journalistes littéraires, il y a des références à l'odorat, au spectacle visuel, aux circonstances qui entourent une action. Donc, l'atmosphère, le niveau de diction, donc le deuxième élément sous composition de la voix, vous avez niveau de diction. Donc, quel type de vocabulaire est choisi par l'auteur? Est-ce que l'on a un vocabulaire très colloquial, très informel? Est-ce qu'il y a du patois? Est-ce qu'il y a des expressions particulièrement compliquées? Donc, pour donner un peu un registre de langue particulier à votre texte. Donc, niveau de diction, niveau de formalisme, ou plutôt ton informel. Ensuite, donc, le ton, c'est toujours lié à ça aussi, à son niveau de diction. Qu'est-ce que l'auteur va faire transpirer de son texte comme émotion, la peur, du mépris. Donc le ton, c'est quels sont les sentiments qui pourraient être générés chez le lecteur suivant ce que l'auteur va exprimer. Donc, quel ton pour exprimer quoi? Du mépris, de la peur, de l'outrage. Et enfin, la griffe, c'est la voix, c'est le style. D'accord. Alors, qualité de la voix, le deuxième point. Authenticité, honnêteté, sincérité, de nouveau, ce sont toutes ces variations autour du style qui vont conférer certaines qualités à votre texte. Et enfin, l'usage du jeu. Et là, l'allemand revient un peu sur des différences entre journalisme français et journalisme anglo-saxon, où utiliser le jeu en français, c'est parfois un petit peu tabou, alors qu'aux États-Unis, ou en tout cas dans la tradition anglo-saxonne, la subjectivité est plus facilement assumée. Donc, c'est une question de tradition ici. Et tout ça est en train de changer puisque les frontières non seulement sont poreuses entre la littérature et le journalisme, mais aussi entre les zones géographiques. Il y a du journalisme à l'américaine ici, de la même façon que les Français ont beaucoup influencé les Américains à un moment donné, notamment à l'époque du New Journalism. Dans un texte narratif, il faut créer une sorte de scénario. Pour tenir votre lecteur en haleine, il faut créer un récit qui repose sur une série d'actions où à un certain moment vous avez un équilibre qui est rompu, donc il se passe un événement qui va mettre en branle toute une série d'activités, de faits, d'événements, de rencontres. Et donc pour que votre scénario tienne, pour qu'il y ait vraiment un récit puissant qui fait que vous allez avoir des lecteurs qui vont avoir envie de lire, eh bien, vous devez pas retrouver les protagonistes. Alors, les protagonistes, ce sont évidemment les personnages imposés par la réalité. De nouveau, comme le disait François Bramand il y a quelques semaines, pour lui, c'était du pain béni d'avoir la brochette de socialiste liégeois, personnage haut en couleur, qu'il n'a pas fallu vraiment développer sur le plan de la créativité, l'imagination, puisque voilà, c'était vraiment des personnages de théâtre. Donc ils sont imposés par la réalité, on ne les choisit pas toujours, mais quand même, il y a une sélection qui est effectuée par le journaliste, parce que certains personnages vont peut-être s'imposer par leur parcours, par l'intérêt qu'ils représentent pour l'intrigue au final. Donc il y a quand même une sélection responsable à faire au niveau de ces personnages. Donc c'est au journaliste à choisir ses compagnons de route pour faire passer son message. Il n'y a pas de bonne histoire sans bon personnage. Pour pouvoir repérer qui vont être les protagonistes dans le récit. Ce qu'il appelle complication, c'est justement le moment où tout va basculer, où l'équilibre, où le temps zéro du début, le temps zéro est une expression qui est utilisée par François Lallemand, à quel moment ce statu quo, ce temps zéro va être rompu. Et encore une fois, on le voit avec le texte de Brabant, très vite, on a l'assassinat d'André Cole et il y a un basculement. L'action commence. Tension narrative, donc on suit des conséquences de cette rupture, des rebondissements dans l'histoire, et enfin le dénouement. Donc en fait, c'est un peu l'arc narratif de tout récit, mais il faut l'avoir en tête pour pouvoir construire donc, un texte qui va à la fois être du journalisme précis, concis, fidèle à la réalité, mais qui va se lire comme un roman. Alors là, je vous parle du journalisme au long cours, des textes qui parfois se lisent sur plusieurs pages dans des magazines comme Harper's ou New Yorker, ou bien même des bouquins très épais. Hein, Les Enfants du Bronx, c'est un volume pratiquement de 800 pages. Mais nous avons déjà des traces de littérarité dans le journalisme un peu du quotidien aux États-Unis, déjà au 19e, et je vous ai juste pris un petit exemple comme ça pour illustrer, donc pas parce que c'est du journalisme narratif, mais parce qu'on a des traces de littéraire dans la presse. Et là, je vous ai pris un article qui a été écrit par Walt Whitman, c'est la deuxième ligne. Walt Whitman, pour ceux qui connaissent un peu la littérature américaine, c'est vraiment un des plus grands poètes américains, poète transcendantaliste, et donc il écrivait dans les journaux. Beaucoup d'écrivains contribuaient donc à l'existence des journaux en produisant des récits palpitants ou en prêtant leur plume à ces rédactions. Et donc par exemple, Scenes of Last Night, donc il écrit à propos d'un incendie qui s'est passé près de chez lui, et vous voyez que plutôt que de citer les noms des personnes, ou plutôt que de localiser avec l'adresse précise où a eu lieu le sinistre, il va plutôt décrire les sensations. Donc, par exemple, il va parler, l'extrait est au milieu, « Women carrying small bundles, men with heated and sweaty faces, little children, many of them weeping and sobbing. » Ce qu'on ne va pas spécialement voir dans du journalisme traditionnel. Donc, il y avait déjà de grands auteurs qui partaient des faits divers, mais il mettait un gloss tout à fait littéraire, d'accord, pour que les lecteurs aient plus d'empathie. Ils se retrouvent dans l'expérience, ici, d'une tragédie, un incendie. Donc en fait, un peu comme le dirait Bob Dylan, how does it feel? How does it feel to be at the fire? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver pris dans cette tragédie? Alors, on ne va pas lire tout l'extrait, mais vous pouvez le consulter dans les slides. Je vous ai mis en évidence encore deux petits exemples repris dans le texte où il fait appel aux sensations. We saw, donc on a le regard ici, their fixed look and heard in their conversation to one another. Donc il y a le visuel, il y a l'audition. Et puis ici, he evidently felt what he was saying. Donc appel aux sensations, d'accord? Et finalement, pour conclure, cet exemple hein, de littérarité dans la presse américaine du 19e, vous voyez que les W, hein, en français, ce sont des Q, hein, donc le qui, que, quoi, en anglais, les W, le who, ce sont des faces, ce sont des visages, ce ne sont pas des personnes qui sont nommément désignées, le what, ce sont les images du feu, donc c'est très visuel, c'est très cinématographique en quelque sorte, where, on a une évocation du quartier, mais sans précision, c'est pas le principal, et puis bon, il y a quand même une indication de temps. Voilà, donc c'est pour vous dire que les journalistes ont toujours été très très présents dans la presse américaine. Voilà, petite illustration. Alors je reviens maintenant cette fois-ci au journalisme d'immersion, et une source très importante pour ceux qui travailleraient plus tard sur le journalisme d'immersion, c'est Éric Neveu, qui est au CNRS, et qui... certains d'entre vous le connaissent, oui, souvent déjà peut-être pas mal de références à lui. Donc il a produit un texte qui s'appelle « Le journalisme d'immersion » et justement qui se base sur l'expérience des Américains. Donc lui, très clairement, établit que le journalisme d'immersion trouve son origine dans le fameux « muckraking » dont vous avez souvent entendu parler, pas qu'ici d'ailleurs, donc ce journalisme fouille-merde. Mais ce que dit Éric Neveu avant toute chose, c'est que donc, la démarche du journalisme d'immersion qui mène au journalisme narratif, elle est fondée sur une collecte d'informations avec une fréquentation du terrain. Donc, retour de nouveau ici à l'importance du travail qui est fourni en amont. Alors la pratique, elle peut varier, elle peut être une pratique à couvert ou bien une pratique où on ne se cache pas. Alors vous avez deux attitudes, vous avez ce qu'on appelle le « fly on the wall », ça vous dit quelque chose? Fly on the wall, on le traduit parfois maladroitement par pris sur le vif. En fait, pensez à l'image, c'est une mouche sur un mur. Donc la mouche, elle voit tout, elle entend tout, elle capte tout, mais personne ne la voit. Donc c'est vraiment se faire discret, se faire transparent, pour capter un maximum d'informations. Et la journaliste Joan Didion, cette petite madame dont je vous parlais aussi la semaine dernière, qui est toute menue, un petit machin, elle dit, moi j'ai fait du bon journalisme parce que personne ne me voyait. Donc elle s'infiltrait partout, on ne la voyait pas, elle n'était pas remarquée par qui que ce soit. Et du coup, elle était vraiment cette petite mouche sur le mur qui enregistrait toutes les conversations, captait un maximum d'informations. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis vous avez, donc c'est de l'observation, c'est de l'observation. Et puis vous avez aussi l'attitude observation participative ou participante. Vous avez utilisé ces concepts dans votre cours de méthodo peut-être ? Pas encore ? Peut-être. Ok. Donc ça veut dire que vous observez, mais vous êtes un acteur également. D'accord ? Un peu comme certains anthropologues ou ethnologues participent à la vie des Indiens pour pouvoir en parler, pour pouvoir reproduire des récits de leurs expériences. Donc deux attitudes. Fly on the wall, je me fais oublier, j'observe. Ou je suis avec les acteurs, je participe à la vie avec mes sources. L'engagement au niveau du temps est énorme, des émotions, des risques. Je vous ai parlé de cette femme qui a passé 10 ans dans le Bronx avec sa famille de Latinos. Mais vous avez aussi Truman Capote qui a travaillé dans 5 ans sur son récit. De sang-froid. Alors, on peut dire que ça a un coût de ce journalisme. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui ? Qui peut se permettre de bosser pendant 10 ans sur un sujet ? Ça arrive, il peut peut-être se garder cette activité en parallèle à d'autres, comme l'a expliqué aussi François Brabant il y a 2 semaines. Éric Neveu cite également le rédacteur en chef du New Yorker, M. Ross. Le New York, c'est un magazine littéraire donc, aux États-Unis qui a toujours soutenu les écrivains et journalistes. Ça a été vraiment un magazine très hospitable, qui a toujours accueilli des écrivains pour leur permettre justement de trouver des lieux où ils pouvaient produire du long cours sans pour autant coller à l'actualité. Et ils ont un peu comme devise « We do not cover the news, we parallel them ». Donc c'est s'occuper peut-être des événements, des personnages qu'on a laissés un peu sur le bord de la route parce qu'on n'a pas eu le temps, il faut avancer, il faut tracer. Et dans les guerres, par exemple, il y a des tas de personnages qu'on rencontre qui mériteraient d'être dans vos récits, ils ne peuvent pas parce que on avance avec l'actualité. Donc le journalisme narratif permet de revenir sur ces personnes. Alors les thèmes, c'est souvent des thèmes sociaux. J'ai pris quelques exemples avec moi, vous allez plus loin. C'est les questions raciales. Ce sont les questions raciales qui reviennent souvent dans les reportages au long cours. Également les situations sociales difficiles, donc la précarité, au-delà. Donc ce sont des thèmes assez universels finalement qui reviennent dans les reportages des journalistes narratifs. Éric Neveu rend hommage à cette tradition journalistique américaine parce que d'emblée, on a attaché beaucoup d'importance à la collecte d'informations, le news gathering. Donc dès le 19e, les journalistes, ils partaient faire des interviews. Et l'interview, c'est quelque chose de très américain aussi. Ce n'est venu que plus tard en France. Au départ, c'était même vu comme très inconvenant. C'était perçu comme une pratique qui n'était pas très, très éthique. Aux États-Unis, on a tout de suite fait la tournée des institutions. Donc, quelqu'un qui faisait un reportage sur la précarité, aller voir les mairies, aller voir les centres qui hébergeaient les sans-abri. Donc, il y a vraiment une pratique de terrain. C'est presque d'enquête sociologique. Hein. Collecter les données, recenser l'information, fréquenter les mairies, les hôpitaux, aller chercher l'information sur le terrain. News gathering. Production d'informations inédites grâce aux entretiens, ça vient aussi des États-Unis. Et donc là, je vous renvoie au map breaking dont on a déjà parlé plusieurs fois. On prendra des exemples un peu plus loin. Juste peut-être, oui, pour revenir sur le map breaking. Le map breaking, selon donc Éric Neveu, je m'attarde uniquement sur la phrase ici du bas. Donc elle sollicite 2 registres. Le journalisme d'investigation et la collecte de témoignages. Les témoignages, c'est très important, comme je viens d'expliquer, la collecte d'informations par des entretiens aux États-Unis, parce qu'il y a toute une tradition qu'on appelle « oral history » aux États-Unis. Donc l'histoire, elle s'est constituée non pas avec des rois, avec des princes, avec des guerres, comme en Europe, mais elle s'est collectée à partir d'entretiens avec la population. C'est un petit peu comme en Angleterre aussi, vous avez entendu parler de History from Below, l'histoire d'en bas, le mouvement documentaire, tout ça. Voilà, ça fait partie d'une tradition plus anglo-saxonne. Je vais avancer en vous remontrant un slide que vous connaissez peut-être déjà, donc sur les muckrakers, parce que je voudrais m'attarder un tout petit peu sur quelques exemples, parce que parfois on les a accusés d'être simplement des fous de merde qui essaient de propager des scandales, alors que ce sont de très très grands journalistes et qu'il faut leur redonner peut-être leur lettre de noblesse. Il y avait beaucoup de femmes aussi, ça mérite d'être mentionné. Leur objectif, c'était donc de faire des révélations économiques, des révélations, pardon, de scandales économiques, sociaux et politiques pour faire avancer la société. Quand les muckrakers sont arrivés aux États-Unis, nous étions dans l'époque progressiste, donc entre les années 1880 et 1910. Donc de 1880 à 1910, c'est l'ère progressiste aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plein de changements ont été opérés dans la société pour mettre fin à des situations de travail ou des situations sanitaires impossibles. Donc, il y avait des maladies, il y avait des logements insalubres. C'est l'époque aussi où vous avez une immigration énorme aux États-Unis, une immigration à flamber. Donc, que fait-on avec tous ces immigrés qui arrivent sur les grandes villes? Comment sont-ils hébergés? Donc, face à ces situations insupportables, beaucoup de journalistes se sont dit il faut qu'on dénonce ce qui se passe, il faut qu'on révèle certains scandales. Et puis, qui dit émigration, vous avez aussi une hausse de la richesse aux États-Unis. Donc les immigrants ont beaucoup produit, la richesse a vraiment augmenté, mais évidemment elle n'a pas été redistribuée de manière équitable, et donc vous avez aussi le règne de ces grands barons qui ont fait fortune, comme Rockefeller par exemple, ou Ford. Donc c'était une occasion aussi pour les journalistes, les muckrakers, d'aller voir de plus près comment ces gens avaient fait fortune. Je ne vous ai gardé que quelques exemples parce qu'ils illustrent très bien ce qu'est le journalisme d'investigation, d'immersion, ou ce qu'on a appelé aussi le stunt journalism. Le stunt journalism, stunt, vous connaissez, c'est un exploit, c'est une cascade, un exploit. Et ce mot de stunt journalism a été particulièrement attaché au personnage de Nellie Bly. Vous voyez ici cette jeune dame, Nellie Bly, c'est son nom de plume. Nellie Bly, elle a vraiment lancé un mouvement chez les femmes pour faire du reportage et surtout ne plus être reléguée aux pages des gossips et des soft news de leurs journaux. Elle voulait, leur but était d'être en première page, d'accord? Donc c'est très féministe comme démarche. Et il y a eu tout un mouvement donc, de femmes qui l'ont suivi. Donc je vais en parler un petit peu. Alors, pour revenir sur muckraking, mais Florence Le Cam l'avait déjà expliqué, c'est une référence donc qui a été faite par le président Roosevelt, hein, Theodore Roosevelt, que vous voyez là en haut à droite. Donc Roosevelt, au départ, président des États-Unis, il est plutôt très heureux d'avoir le soutien des journalistes pour l'aider à changer cette société. Et donc il est vraiment ravi d'avoir à son service presque des journalistes qui font le ménage et qui l'aident à améliorer la situation économique et politique du pays. Mais finalement, ça marche tellement bien qu'il commence à s'inquiéter un petit peu et il se dit bon maintenant on va finir par tout remettre en question, ils exagèrent et puis bon il y a aussi le nombre de muckrakers qui a augmenté et donc un jour en 1906 il a eu ce discours où il les attaque en disant ce sont des muckrakers qui ne s'intéressent qu'à la crasse de la société et qui finalement oublient tout ce qui est bien dans cette société. Alors les muckrakers évidemment ils ont une tendance très à gauche aussi. Donc ils sont perçus comme des socialistes, ce qui n'est pas toujours très bien vu aux États-Unis. Donc on commence de plus en plus à les craindre. Et donc la référence, et ça, je suis certaine que Florence Le Cam l'avait donnée, elle vient d'un texte qui s'appelle Pilgrim's Progress, où vous voyez un de ces muckrakers qui, trop occupé à ramasser, donc to rake the mud, to rake the muck, ne voit même pas la providence au-dessus de lui, ce qu'il y a de bien, d'accord? Tellement il est obsédé par la crasse et la pègre, etc. Donc cette image reflète un peu le sentiment qui était en train de gagner le président à l'époque. Alors vous avez ici Upton Sinclair, qui est également un journaliste, qui a lui écrit un roman, donc il dit que c'est un roman, un texte de fiction, mais basé sur une expérience personnelle, où il s'est fait engager dans une meat Factory, donc une usine où on fait des conserves de viande. Il a été engagé là et il observait des choses atroces, du genre, il y avait des rats et les rats passaient dans la viande avec le reste, il y avait des ouvriers qui perdaient un bras. Hop. Enfin, les conditions sanitaires et les conditions de travail étaient absolument abominables. Il a fait un roman avec ça. Donc, il a réussi à se faire engager. Hein. Donc, il s'est dit, très important dans le journalisme d'immersion, c'est de se frotter à la réalité et vraiment de vivre. C'est vivre la réalité des personnes dont c'est le quotidien, hein, tous les jours, d'avoir ces conditions de travail. Et le bouquin de Jungle a fait sensation. Le président Roosevelt l'a eu entre les mains. Il a été tellement choqué qu'il a envoyé des inspecteurs. Et en fait, les inspecteurs sont revenus en disant c'est pire que ce qu'il y a dans le bouquin. Donc voilà. Mais grâce à ça, les lois ont changé. La semaine prochaine, on parlera du rôle social des journalistes. Et bien voilà, cette immersion, peut-être ce mensonge par rapport aux collègues dans la situation d'exploration de la réalité, se justifie ici parce qu'on veut, on a un objectif très noble qui est celui de faire changer les lois. Tout en haut, Aida Fabel, je vais peut-être vous écrire son nom, une des journalistes les plus respectées parce qu'elle a vraiment mis à genoux l'entreprise de Rockefeller, justement, la Standard Oil Company, qui avait été créée en Pennsylvanie au 19e et puis qui a vraiment évolué, qui est devenu un empire, un monopole pétrolier. Et en fait, elle a fait un travail remarquable d'enquête. Elle s'est lancée dans cette enquête en 1901 et elle l'a publiée dans un journal qui s'appelle McClure Magazine. Donc en 1901, son récit a commencé à paraître par épisode. Vous voyez, The History of the Standard Oil Company. Et elle a vraiment détaillé les pratiques éhontées, les pratiques outrageuses de cette entreprise. Elle a expliqué comment Rockefeller avait finalement bâti son empire en profitant les ouvriers, en profitant, en trompant un nombre impressionnant de personnes. Donc avec plein de pratiques illégales, il était arrivé au sommet. Son reportage a eu un impact énorme puisque le journal McClure, qui est vu comme le journal qui a lancé un peu le journalisme d'immersion et d'enquête, a obtenu 100 000 lecteurs en plus. Donc c'est énorme à l'époque. Donc il y a eu une montée du lectorat. Le tirage a été augmenté de 100 000. Tellement il y avait de personnes prises par ce récit. Donc climat très favorable pour l'investigation du début du siècle, car ces journalistes sont très respectés, ils font un travail d'enquête. Madame Tarbell, elle allait à toutes les audiences, elle a collecté des témoignages, donc elle a vraiment fait tout un dossier accablant pour l'entreprise. Donc là, j'ai juste des exemples, on en parlera plus pour l'impact sociétal plus tard, justement de Upton Sinclair, donc son fameux bouquin de Jungle, sur la Meat Factory, sur l'usine à viande. Vous voyez que des lois sont passées, le Pure Food and Drug Act en 1906, d'accord. Donc l'impact d'un écrit journalistique sur une situation sanitaire aux États-Unis. Maintenant, si vous pensez à la France, Albert Londres a fait plein de choses aussi pour faire bouger les lois. Et Albert Londres, il avait cette maxime, porter la plume dans la plaie, pour vraiment faire réfléchir la société, faire réagir les lecteurs et faire bouger l'État. Et ici, c'est un exemple plus récent de Fast Food Nation. Il y a plein d'initiatives aux États-Unis pour essayer de maigrir. Il y a eu Michelle Obama qui s'est lancée dans une sorte de initiative, il y a eu le Slow Food USA, et bon, maintenant avec Trump, je ne sais pas, on va continuer sur la même lancée. Et là, ce sont des exemples que je vous ai donné au cours d'anglais, pour ceux qui me suivent, avec Jacob Riis, qui lui a fait un reportage, c'est un immigré danois, qui a fait un reportage qui s'appelle How the Other Part Lives, avec des photos. C'était l'invention du flash, il a pu faire des photos sur la manière dont les immigrés étaient hébergés dans certains quartiers de New York, donc des lois sur les habitations sont sorties. Et voilà, on explorera ça un peu plus en détail la semaine prochaine. Ici, une suggestion de ma collègue. un exemple de journalisme d'immersion, et pourtant je me suis levée tôt. Vous voyez qu'en fait, les exemples qu'on vous donne aujourd'hui, c'est évidemment des exemples qui sortent de la norme. Ce sont des grands écrivains, enfin, en tout cas ils sont devenus de grands écrivains, ils sont respectés, très respectés aujourd'hui. Mais au quotidien, il y a aussi des journalistes qui font du très bon travail. Voilà, tout le monde n'est pas Hemingway, tout le monde n'est pas Ida Tarbell, mais vous voyez par exemple ici ce récit, une immersion dans le quotidien des travailleurs précaires. On n'en a pas autant parlé qu'Obna, mais il y a énormément d'exemples de très bons journalistes qui ont travaillé avec ces méthodes de news gathering, fact-checking, immersion. Donc la pratique historique, il s'agit de s'immerger dans une réalité en dissimulant son identité pour obtenir des informations et raconter un enjeu social comme moyen d'observer et de pointer les dysfonctionnements de la société. Donc on attaque parfois les journalistes en disant que ce n'est pas très éthique de mentir sur son identité. Florence Aubenas, quand elle a écrit donc, ce livre où elle se fait passer pour une femme de ménage, à un moment elle est découverte par quelqu'un à Pôle emploi, si je me souviens. Voilà, c'est ça, elle a reconnu. Donc elle dit, j'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers, mais je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. J'affirmais m'être tout juste séparée d'un homme avec lequel j'avais vécu une vingtaine d'années, blablabla. Je suis devenue blonde, je n'ai plus quitté mes lunettes, je n'ai touché aucune allocation. Avec plus ou moins de certitude et d'insistance, de rares personnes se sont arrêtées sur mon nom. Une conseillère d'insertion, là, merci. Une recruteuse dans un centre d'appel, le patron d'une entreprise de nettoyage. J'ai nié être journaliste et plaidé l'homonymie. Les choses en sont restées là. Une seule fois, une jeune femme dans une agence d'intérim m'a démasquée dans les règles de l'art. Je lui ai demandé de garder le secret ce qu'elle a fait. L'immense majorité de ceux et celles que j'ai croisés n'ont pas posé de questions. Donc voilà, si la cause est noble, s'il faut en passer par voilà, cette posture, c'est défendable. Mais maintenant, vous avez peut-être des réactions, on pourra en discuter après. Vous avez ici de nouveau quelques définitions de ce journalisme undercover, on dit undercover en anglais, ou bien d'immersion, d'investigation. L'investigation, c'est différent, pardon, mais immersion, undercover. Donc, plus qu'une méthode de travail, c'est une manière de vivre, de ressentir la vie des autres, de compatir, d'apprendre et de faire en sorte que les choses changent. Ça, c'est une citation de Günther Wallraff, que vous connaissez peut-être, un auteur allemand qui a travaillé sur l'immigration turque en Allemagne, aussi en se faisant passer pour un travailleur turc, par exemple. Vous avez donc quelques exemples ici et un rappel donc, de l'importance de penser à l'intérêt public de la démarche, être sûr qu'il n'y a pas d'autres moyens pour recueillir cette information et également être soutenu par sa hiérarchie. Il faut quand même que vous soyez accompagner, encourager. Peut-être avant de faire la pause, quelques petits exemples. Je crois que je vous ai déjà parlé de certains d'entre eux. Bon, alors on retrouve 10 Days in a Madhouse de Nellie Bly. Alors Nellie Bly, elle a été traduite. Vous savez, c'est intéressant de voir ce qui se passe en ce moment parce que l'année dernière, j'étais très étonnée de voir dans des librairies grand public, comme Filigrane, on ressort tout ça. En fait, c'est traduit pour la première fois. Et donc, on a 10 jours dans un asile. Et donc, on sent cet intérêt pour le réel et l'enquête, parce que vous avez plein de récits dont je n'avais absolument pas connaissance en français, parce que c'est des textes qui datent donc, des années 1900-1910. Et hop, on les traduit, on les trouve en français. Marie Choisy, c'est en français. Un mois chez les filles, c'est celle qui est partie dans un bordel, vous vous souvenez, pendant un mois, pour voir comment ça se passait. Alors, ça c'est en français, mais on le ressort maintenant. Donc, c'est très intéressant qu'on réédite tous ces reportages. Donc, il y a vraiment un intérêt du public pour lire des histoires au long cours. Alors, le cas de Nellie Bly, je m'y attarde un petit peu parce que, ok, on voit ça un peu comme une histoire sensationnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait passer pour folle, pour pouvoir être internée dans un hôpital psychiatrique à New York, donc sur Blackwell Island. C'est sur une petite île à côté de New York. J'ai été voir cet été à quoi ça ressemblait. Elle est une sorte d'hôpital abandonné maintenant sur Roosevelt Island. Donc elle s'est fait passer pour folle. Donc elle a été envoyée par son journal The World, qui est le journal de Pulitzer. Ils l'ont envoyée, ils ont été d'accord de l'envoyer là-bas. Et donc elle a vraiment pratiqué une technique qu'elle appelle le method acting, donc apprendre à jouer, cinguer, ça a marché puisque la police l'a embarquée. Elle a été internée dans l'asile et ce qu'elle décrit est absolument effroyable parce que d'abord les patients, on ne les lave pas, on ne les nourrit pas, ils sont laissés à eux-mêmes, il n'y a pas d'activité, ils ont des douches froides, ils sont humiliés, on ne les habille pas. Donc vraiment c'est cauchemardesque alors que l'asile se présentait comme vraiment étant une institution tout à fait respectable. Donc le corps médical est absolument cruel, réserve des traitements atroces à ses patients. Donc elle révèle ça, elle a eu du mal de sortir en fait de l'hôpital, on a dû venir la rechercher. Et donc elle a publié son reportage qui a eu un succès énorme. Et donc elle explique aussi toute la démarche qu'elle a notée, un reportage, c'est vendu comme reportage. Mais ce qui vraiment est une idée de génie, c'est qu'à la fin du 19e, donc quand tout ça se produit, au tournant du 19e, 20e siècle, on a cette maladie de fin de siècle qu'on appelle l'hystérie. Les femmes étaient hystériques. Donc le corps féminin est objectifié, est hystérisé, les femmes sont malades, sont faibles, etc. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise son corps, donc qui est normalement perçu comme une faiblesse, pour en faire son arme, pour rentrer dans l'hôpital. Et ça devient à la fois sa source, son sujet et son moyen d'arriver à enquêter. Donc elle transforme ce corps qui est vu comme un objet, fin du 19e, le contexte où les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, et elle en fait une arme qui finalement va la ramener en page 1. D'accord ? Donc grâce à son corps objectifié, elle en fait un outil journalistique et elle va devenir vraiment une star du journalisme et entraîner plein d'autres personnes dans son sillage. Alors cette période sera de courte durée, il y aura une vague de misogynie qui va suivre évidemment. Et puis, voilà, le succès des femmes journalistes, on les appelait même les Sock Sisters à un moment donné. Expérience aussi tout à fait étonnante, Black Like Me, qui a été traduit par Dans la peau d'un noir, où un journaliste a décidé de devenir noir. Donc il s'est fait accompagner d'un médecin en 1959. Il a pris des médicaments, donc dans l'introduction du texte. En 1959, ayant coupé les ponts avec sa famille et ses amis, il trouve un docteur de la Nouvelle-Orléans qui se plie sans enthousiasme à sa volonté. Un médicament utilisé habituellement contre certaines maladies de la peau, une lampe à rayons ultraviolet, voilà les instruments. Et donc il va se transformer en noir, en afro-américain, voyager dans le sud des États-Unis, et c'est absolument effroyable ce qu'il va vivre. Et on parle de cette transformation, et puis comment on revient à l'état d'avant. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à redevenir son moi précédent, puisqu'il ne se reconnaissait plus comme appartenant à ce groupe des Blancs qui était capable d'infliger ce genre de choses. Donc voilà, ce sont des exemples tous très intéressants, que ce soit Marie Choisy en français. Donc vous voyez, journalisme américain, influence des États-Unis, oui, mais quand même Marie Choisy, c'était vraiment le début du siècle en France. Donc ça existait absolument ici en Europe aussi. Et voilà, j'ai repris, et après on fera la pause, je vous promets, du journalisme undercover. Donc ça, c'est le début du récit de Nellie Bly. Et j'ai mis en exergue certains passages qui, justement, vous rapprochent chaque fois de la démarche d'immersion, vous parlent de la vérité, du contrat de confiance avec le lecteur. Donc le 22 septembre 87, le World donna pour mission de me faire interner dans l'un des asiles de fou de New York. Mon rédacteur en chef, Joseph Pulitzer, souhaitait que je décrive en termes simples et directs les soins apportés aux patientes, les méthodes de la direction, etc. Mais avais-je les nerfs suffisamment solides ? Bon, vous voyez qu'elle sensationnalise un petit peu. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis capable de le faire ? J'ai tenu parole. N'attendons rien de sensationnel, mais un récit honnête des faits. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le contrat passé avec la rédaction et avec le public. L'exemple de Marie Choisy, reportage vécu dans les milieux de la prostitution, reportage d'immersion, qui ne manque ni d'audace ni de piquant, rusé et usé de subterfuges, un seul déguisement possible, celui de la prostituée. Vous voyez un petit peu comment commencent toujours ces récits-là. Et alors, The People of the Apes, Jack London, Le peuple d'en bas, vous avez peut-être entendu parler de ce bouquin, qui est d'ailleurs accompagné de photos remarquables faites par Jack London lui-même. Et si vous voulez bien, voilà, lire peut-être le début. Parce qu'on voit vraiment une immersion, voire une submersion. Il descend. Donc, ça, le début du texte, c'est I went down into the underworld of London. Donc Jack London est un Américain qui est venu dans dans le quartier est de Londres, pour voir comment l'empire britannique si riche et qui exploite tout le monde traite ses propres personnes dans les quartiers pauvres de Londres. Et donc il a fait une immersion, il s'est transformé en clochard, il a même adopté un langage différent. Et il s'est vraiment immergé dans cette réalité. Et vous voyez que le premier chapitre s'appelle The Descent, Sinking Myself Down, donc to sink, couler, into the East End of London. I was gratified to find that the fear of the crowd no longer haunted me. I have become a part of it. Vous voyez l'adhésion. Je suis devenue un de ces pauvres. The vast and malodorous sea had welled up and over me, or I had slid gently into it. Et puis, voilà. Donc c'est vraiment très intéressant de voir la plongée dans cet univers, l'immersion, littéralement transcrite dans les termes. D'accord? Et en fait, vous avez ici donc le questionnement de cet auteur Griffin sur sa démarche de journalisme undercover, d'immersion. Günter Wallraff, je l'ai brièvement mentionné, a fait un peu la même chose, mais bon, c'est quand même assez différent, mais Günter Wallraff est devenu un travailleur turc qui immigrait en Allemagne pour essayer de comprendre la manière dont on traite les Turcs, en tout cas c'était dans les années 67 ans. Voilà, une pause. Bienvenue. Thank you.